Complainte du pauvre propriétaire. Quoi ? Ce n'est pas assez de tout ce que l'on souffre ? Que la guerre nous ruine et pour tous soit un gouffre ? Parce que, soi-disant, les gens manquent d'argent, voilà que c'est à nous, les rentiers, qu'on s'en prend. On nous dit « tout le monde est réduit au chômage, c'est le moins que chacun ait sa part de dommage ». On ne s'informe pas si cela nous ira. Propriétaire on est, le proprio paiera. Et sans plus de façon, le légiste exonère des charges de son bail, aille donc, tout locataire. Mais alors, si l'on nous prive de nos loyers, si nos termes, voyons, ne nous sont plus payés, nous devenons aussi victimes de la guerre. Hélas, plaignez, plaignez le pauvre propriétaire. Que le moratorium, ah, parbleu, nous dispense de payer nos billets, l'arriéré de dépenses. Nous y souscrivons tous, c'est très bien, ça permet à tous d'en profiter. Mais pourquoi le décret comprend-il les loyers ? Les loyers, ça nous lèse. Vrai, les pouvoirs publics en prennent à leur aise. Pourquoi nous empêcher illico d'expulser le bonhomme, voyons, qui ne peut rien verser ? Le jeter à la rue était une ressource qui l'obligeait en somme à nous montrer sa bourse. Maintenant, son argent, on n'en verra plus rien. Il est pour ses enfants et pour leur entretien. Ah non ! Plaignez, plaignez le pauvre propriétaire. Il nous sert bien, vraiment, par hausse successive, d'avoir doublé, triplé nos valeurs locatives, si tant que l'on se bat, en dépit de tout droit, on vient tous nous léser des loyers qu'on nous doit. On nous répond à ça par grotesque sophisme. En 5 ans, nous dit-on, oyez ces illogismes. Vos loyers ont monté chacun de 100%. Lors que vous ne touchiez rien la guerre durant, en calculant pour vous le prix du sacrifice, nous voyons qu'il se solde encore en bénéfice. Le beau raisonnement que l'on va nous chercher. Quand on augmente, idiot, mais c'est pour tout toucher. Vraiment, c'est criminel d'entraver les affaires. Amis, plaignez, plaignez les pauvres propriétaires. D'ailleurs, quel est celui qui se plaint de la hausse ? Le locataire, oui, mais de lui, l'on se gausse. Nous sommes syndiqués, il est seul. C'est donc clair qu'il est le pot de terre et nous le pot de fer. Comme il faut qu'il se loge, en dépit qu'il s'indigne, quelque prix qu'on lui fasse, il faut qu'il s'y résigne. Il est en quitte alors pour faire moins d'enfants. Tant mieux, c'est très mauvais pour les appartements. Pour la natalité, je sais qu'on s'en tourmente, car l'enfant diminue ou le loyer augmente. Mais qu'y faire ? Il n'est pas dans notre attribution de veiller, que je sache, à la reproduction. J'aime bien les enfants, mais d'abord les affaires. C'est vrai. Plaignez, plaignez les pauvres propriétaires. Car c'est le proprio, c'est lui le plus victime de cette crise affreuse, hélas, qui nous opprime. Souvenez-vous d'août, aux portes de Paris, l'ennemi. L'on disait, nous serons envahis demain. Quelle épouvante, oh demain, l'incendie. Nos immeubles en feu, l'affreuse tragédie. Mais nos petits troupiers étaient là, grâce à Dieu. Ils ont fait reculer l'ennemi sous leur feu. Nos immeubles sont saufs et nos maisons entières. Oh, chers petits soldats, fils de nos locataires, vous nous avez rendu nos biens immobiliers, et nous pourrons encore en toucher les loyers. Mais hélas, on en vient d'exonérer vos pères. Horreur ! Plaignez, plaignez les pauvres propriétaires.